Mimi Pinson, profil de grisette, par Alfred de Musset. Lu par Sarah. Chapitre 2. Mademoiselle Pinson n'était pas précisément ce qu'on appelle une jolie femme. Il y a beaucoup de différence entre une jolie femme et une jolie grisette. Si une jolie femme, reconnue pour telle, et ainsi nommée en langue parisienne, s'avisait de mettre un petit bonnet, une robe de guingamp et un tablier de soie, elle serait tenue, il est vrai, de paraître une jolie grisette. Mais si une grisette s'affuble d'un chapeau, d'un camail de velours et d'une robe de palmyre, elle n'est nullement forcée d'être une jolie femme. Bien au contraire, il est probable qu'elle aura l'air d'un porte-manteau, et en l'ayant, elle sera dans son droit. La différence consiste donc dans les conditions où vivent ces deux êtres, et principalement dans ce morceau de carton roulé, recouvert d'étoffe et appelé chapeau, que les femmes ont jugé à propos de s'appliquer de chaque côté de la tête, à peu près comme les œillères des chevaux. Il faut remarquer cependant que les œillères empêchent les chevaux de regarder de côté et d'autre, et que le morceau de carton n'empêche rien du tout. Quoi qu'il en soit, un petit bonnet autorise un nez retroussé, qui, à son tour, veut une bouche bien fendue, à laquelle il faut de belles dents et un visage rond pour cadre. Un visage rond demande des yeux brillants. Le mieux est qu'il soit le plus noir possible et les sourcils à l'avenant. Les cheveux sont ad libitum, attendu que les yeux noirs s'arrangent de tout. Un tel ensemble, comme on le voit, est loin de la beauté proprement dite. C'est ce qu'on appelle une figure chiffonnée, figure classique de grisette, qui serait peut-être laide sous le morceau de carton, mais que le bonnet rend parfois charmante, et plus jolie que la beauté. Ainsi était Mademoiselle Pinson. Marcel s'était mis dans la tête que Gêne devait faire la cour à cette demoiselle. Pourquoi ? Je n'en sais rien, si ce n'est qu'il était lui-même l'adorateur de Mademoiselle Zélia, ami intime de Mademoiselle Pinson. Il lui semblait naturel et commode d'arranger ainsi les choses à son goût et de faire amicalement l'amour. De pareils calculs ne sont pas rares et réussissent assez souvent, l'occasion depuis que le monde existe étant, de toutes les tentations, la plus forte. Qui peut dire ce qu'on fait naître d'événements heureux ou malheureux, d'amour, de querelles, de joie ou de désespoir, deux portes voisines, un escalier secret, un corridor, un carreau cassé? Certains caractères, pourtant, se refusent à ces jeux du hasard. Ils veulent conquérir leur jouissance, non les gagner à la loterie, et ne se sentent pas disposés à aimer parce qu'ils se trouvent en diligence à côté d'une jolie femme. Tel était Eugène, et Marcel le savait. Aussi avait-il formé depuis longtemps un projet assez simple qu'il croyait merveilleux et surtout infaillible pour vaincre la résistance de son compagnon. Il avait résolu de donner un souper et ne trouva rien de mieux que de choisir pour prétexte le jour de sa propre fête. Il fit donc apporter, chez lui, 2 douzaines de bouteilles de bière, un gros morceau de veau froid avec de la salade, une énorme galette de plomb et une bouteille de vin de champagne. Il invita d'abord 2 étudiants de ses amis, puis il fit savoir à Mademoiselle Zélia qu'il y avait le soir gala à la maison, et qu'elle eut à amener Mademoiselle Pinson. Elles n'eurent garde d'y manquer. Marcel passait, à juste titre, pour un des talons rouges du quartier latin, de ces gens qu'on ne refuse pas. Et 7 heures du soir venait à peine de sonner que les 2 grisettes frappaient à la porte de l'étudiant. Mademoiselle Zélia en robe courte, en brodequin gris, et en bonnet à fleurs. Mademoiselle Pinson, plus modeste, vêtue d'une robe noire, qui ne la quittait pas, et qui lui donnait, disait-on, une sorte de petit air espagnol dont elle se montrait fort jalouse. Toutes 2 ignoraient, on le pense bien, les secrets desseins de leur hôte. Marcel n'avait pas fait la maladresse d'inviter Eugène d'avance. Il eût été trop sûr d'un refus de sa part. Ce fut seulement lorsque ces demoiselles eurent pris place à table, et après le premier verre vidé, qu'il demanda la permission de s'absenter quelques instants pour aller chercher un convive, et qu'il se dirigea vers la maison qu'habitait Eugène. Il le trouva, comme d'ordinaire, à son travail, seul, entouré de ses livres. Après quelques propos insignifiants, il commença à lui faire tout doucement ses reproches accoutumés, qu'il se fatiguait trop, qu'il avait tort de ne prendre aucune distraction, puis il lui proposa un tour de promenade. Eugène, un peu las en effet, ayant étudié toute la journée, accepta. Les deux jeunes gens sortirent ensemble et il ne fut pas difficile à Marcel, après quelques tours d'aller au Luxembourg, d'obliger son ami à entrer chez lui. Les deux grisettes, restées seules et ennuyées probablement d'attendre, avaient débuté par se mettre à l'aise. Elles avaient ôté leurs châles et leurs bonnets et dansaient en chantant une contredanse, non sans faire, de temps en temps, honneur aux provisions, par manière d'essai. Les yeux déjà brillants et le visage animé, elles s'arrêtèrent joyeuses et un peu essoufflées lorsque Gêne les salua d'un air à la fois timide et surpris. Attendu ses mœurs solitaires, il était à peine connu d'elles. Aussi l'eurent-elles bientôt dévisagé des pieds à la tête avec cette curiosité intrépide qui est le privilège de leur caste. Puis elles reprirent leurs chansons et leurs danses, comme si de rien n'était. Le nouveau venu, à demi déconcerté, faisait déjà quelques pas en arrière, songeant peut-être à la retraite, lorsque Marcel, ayant fermé la porte à double tour, jeta bruyamment la clé sur la table. « Personne encore » s'écria-t-il. « Que font donc nos amis ? Mais n'importe, le sauvage nous appartient. Mesdemoiselles, je vous présente le plus vertueux jeune homme de France et de Navarre, qui désire depuis longtemps avoir l'honneur de faire votre connaissance et qui est, particulièrement, grand admirateur de Mademoiselle Pinson. » La contredanse s'arrêta de nouveau. Mademoiselle Pinson fit un léger salut et reprit son bonnet. « Eugène ! » s'écria Marcel. « C'est aujourd'hui ma fête. Ces deux dames ont bien voulu venir la célébrer avec nous. Je t'ai presque amené de force, c'est vrai, mais j'espère que tu resteras de bon gré à notre commune prière. Il est à présent 8 heures à peu près. Nous avons le temps de fumer une pipe en attendant que l'appétit nous vienne. » Parlant ainsi, il jeta un regard significatif à Mademoiselle Pinson, qui, le comprenant aussitôt, s'inclina une seconde fois en souriant, et dit d'une voix douce à Eugène. « Oui, monsieur, nous vous en prions. » En ce moment, les deux étudiants que Marcel avait invités frappèrent à la porte. Eugène vit qu'il n'y avait pas moyen de reculer sans trop de mauvaise grâce, et se résignant, prit place avec les autres. Fin du chapitre 2.